Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, chapitre 3 du troisième traité, troisième paragraphe, tempérance de Marie. La tempérance est une vertu qui modère l'avidité que l'homme a naturellement pour les plaisirs sensibles, elle fait qu'on ne s'y livre pas avec excès, mais qu'on en use qu'autant que conformément à l'ordre établi par le Créateur. Heureux les hommes, s'ils se réglaient toujours d'après cette vertu, ils ne se laisseraient pas entraîner par les appétits sensuels, leur esprit, leur volonté se porterait librement vers l'acquisition du bien véritable et seul désirable. On ne verrait pas dans le monde tant de désordre, partout régnerait la paix et la tranquillité. Mais l'homme, dégénérant de la noble fin pour laquelle il a été créé, et doué de l'usage des sens, dépasse trop souvent les limites que la raison lui trace, et, au lieu de réprimer ses appétits, il se laisse honteusement dominer par eux de l'un et le vice contraire à la tempérance. Il n'en fut pas ainsi de Marie. Elle posséda la tempérance, aussi bien que toutes les autres vertus, à un degré éminent. Que dirons-nous, demande saint Ambroise, de ce qui regarde l'usage de la nourriture, voir saint Ambroise Liberde de Virginibus numéro 8. Il semble qu'en ce point elle soit restée en deçà des justes bornes, il semble qu'elle ait accordé à son corps beaucoup moins que la nature ne réclamait. C'est là, dis-je, ce qu'il nous semble, à nous, hommes charnels, qui ne jugeons le plus souvent que d'après les appétits sensuels, ce que nous leur accordons nous paraît toujours peu de chose. Marie ne pensait pas de même, elle savait trop bien qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, quand donc elle croyait convenable de rompre ses longs jeûnes. Elle ne prenait que des nourritures communes et viles, plus propres à éloigner la mort qu'à procurer au sens quelques satisfactions, ibidem numéro 8. Ce qu'on dit de sa nourriture doit s'entendre pareillement de son sommeil, et généralement de tout ce qu'elle était obligée de faire pour l'entretien de ses forces corporelles. Elle ne se livra jamais au sommeil par plaisir, mais par nécessité. Et même pendant que le corps dormait, l'esprit ne cessait de veiller. Oh, quand cela nous sommes différents de Marie le plus souvent, presque toujours même nous favorisons les appétits sensuels, en prenant des soulagements que nous jugeons nécessaires, et qu'en réalité il faudrait appeler des sensualités. Il est indigne de nous de demander du soulagement à des choses aussi viles. Elles ne sont pas capables de soulager l'homme, mais seulement la brute dépourvue de raison. Il est d'autres soulagements que nous devons chercher, puisons de nouvelles forces en nous élevant vers le ciel, et non pas en nous abaissant vers la terre. Ainsi nous imiterons Marie dans sa sobriété et sa frugalité. Mais la partie la plus noble de la tempérance, c'est la chasteté. Et comme le vice contraire à cette vertu est le plus violent de tous les vices sensuels, la tempérance est principalement dirigée contre lui. Que dirons-nous de l'excellente chasteté de Marie, ibidem numéro 7, elle conserva pur et chaste non seulement son corps, ce qui n'est pas si difficile, mais aussi son esprit, ce qui se rencontre très rarement. Non seulement le corps, mais l'esprit de Marie fut le jardin fermé, la fontaine scellée, Cantique 4, 12, la porte orientale qui devait toujours demeurer fermée. Saint Jérôme en expliquant ces paroles dit, c'est avec beaucoup de raison que par la porte orientale, par laquelle le Dieu d'Israël avait seul le droit d'entrer, on entend Marie, qui fut vierge avant et après son divin enfantement. Dans le cœur de Marie, aucune créature, aucune affection terrestre et charnelle ne trouva place. Elle en confia les clés à Dieu seul, qui avait toute liberté d'y entrer selon son bon plaisir, et d'y fixer son séjour de prédilection. Je ne m'arrête pas à parler de la virginité perpétuelle de Marie, puisque c'est un article de foi, sur lequel nul doute n'est permis aux enfants de l'Église catholique. On pense de plus communément que Marie offrit sa virginité au Seigneur par un vœu perpétuel. Cette promesse, croit-on, fut conditionnelle avant le mariage qu'elle contracta avec Saint Joseph, mais quand elle sut que Joseph nourrissait le même dessein, elle fit le vœu absolu d'une perpétuelle virginité, devenant ainsi le modèle de toutes les vierges qui l'ont suivie dans la suite. Marie fut la première qui, par un courage jusqu'alors sans exemple, consacra au Très-Haut le lys éclatant de sa pureté virginale. Et qui donc a pu vous dire, ô Vierge prudente, demande Saint Bernard, qui a pu vous apprendre que la virginité est si agréable à Dieu? Quelle loi, quelle page de l'Ancien Testament prescrit, ou conseille de vivre dans un corps, comme si l'on n'avait point de corps, et de mener sur la terre une vie angélique? Ou aviez voulu que les vierges chanteront un cantique nouveau, qu'il ne sera donné à nul autre de chanter, et qu'elles suivront l'agneau partout où il ira, Apocalypse 14, 4. Ou aviez voulu que celui qui ne contracte point mariage fait mieux que celui qui le contracte, comme l'enseignait dans la suite le grand apôtre? La voix de cet apôtre avait-elle retenti à vos oreilles? Je désire que vous soyez tous semblables à moi. Il est avantageux pour les vierges de demeurer vierges, à mon avis, 1 Corinthiens 7, 38, 40, non, ô Marie, aucun précepte, aucun conseil même, aucun exemple ne vous dictait ce que vous avez fait. Mais je sais qui fut votre maître, c'est l'Esprit Saint lui-même, sa céleste onction vous instruisait de toutes choses. Ce Verbe divin vivant et agissant, s'est fait votre maître avant de devenir votre fils. Il a rempli votre esprit avant d'habiter votre sein. Ô Vierge Sainte, vous offrez au Christ votre virginité, sans savoir que vous devez être sa mère. Vous consentez à être jugé digne de mépris dans Israël, et à encourir la malédiction des femmes stériles, pour plaire à celui que vous avez choisi, et voilà que la malédiction se change en bénédiction, que la stérilité volontaire devient féconde. Voilà donc que Marie, docile aux inspirations que l'Esprit Saint communiquait à son âme, se résout à n'avoir point de part à la chair et au sang, et à tenir son cœur fermé à tout autre qu'à Dieu. La voilà devenue propre à concevoir le Verbe éternel, qui, procédant éternellement du Père, source première de toute pureté, voulut avoir pour mère le premier modèle de virginité. Marie plut au Très-Haut par sa virginité, et, sans y penser, elle prépara l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe, « Une vierge concevra et enfantera un fils », Isaïe 7, 14. Quelle pureté ne fallait-il pas pour mettre au jour la splendeur du Père, la figure, l'image vivante de la divine substance, le Fils du Très-Haut? Quelle pureté pour être unie à Dieu par les liens de la parenté, pour devenir sa mère? Que cette pureté dut être parfaite, puisqu'il est écrit que c'est elle qui approche l'homme de Dieu. Sagesse 6, 20. L'impureté des enfants d'Adam fit descendre sur la terre un déluge exterminateur, la pureté de Marie y fit pleuvoir un déluge de grâce, en attirant dans son propre sein la source, le principe de toute grâce. Nous n'en finirions jamais, si nous voulions énumérer tous les avantages de la pureté virginale de Marie, mais il sera, je crois, plus expédient de parler de quelques-uns des moyens qu'elle mit en œuvre pour la conserver dans tout son éclat, afin que ce qu'elle fit nous serve d'exemple, à nous qui, à raison de notre fragilité, avons besoin de bien plus grandes précautions. La Sainte Vierge fut donc humble de cœur, corde humilis, Saint Ambroise Liber de De Virginibus numéro 7. Nous parlerons de l'humilité de Marie dans le paragraphe suivant. Pour le moment, il nous suffit de savoir que sans cette vertu, il est impossible de se conserver vraiment chaste. Audi Virginem, dit Saint Bernard, Audi Humilem, vous dit-on que quelqu'un est vierge, comprenez qu'il est humble. La virginité et l'humilité sont unies par une sainte alliance. Il est impossible de trouver la véritable virginité sans la véritable humilité. Nous possédons un riche trésor, mais dans des vases fragiles, comme nous en avertit l'apôtre, voulant par là nous faire entendre que la vertu nécessaire pour la conserver doit venir de Dieu, et non pas de nous. La Sainte Vierge fut grave dans ses entretiens, verbis gravis, ibidem, une certaine légèreté, une certaine mollesse efféminée dans les discours ne démontre-t-elle pas en effet un esprit léger, mou, efféminé, le lys éclatant de la pureté ne croît et ne se conserve jamais mieux que parmi les épines d'une sainte austérité, dit l'angélique docteur Saint Thomas. Marie parlait peu, locandi partior, ibidem, le vase qui n'est pas recouvert, dit l'Esprit Saint, sera regardé comme immonde. C'est par la bouche que s'évapore ordinairement cet esprit si nécessaire pour maintenir le cœur pur. Intenta operi, Saint Ambroise, Liber de De Virginibus numéro 7, elle aimait le travail, et s'y livrait avec assiduité, ce qui est d'une extrême nécessité pour se préserver des souillures. L'oisiveté a enseigné bien des vices, Ecclésiastique 33, 29, mais surtout l'impureté. Si vous refusez de vous appliquer au travail, le démon saura bien à quoi vous occuper. Qu'est-ce qui fit tomber les malheureux habitants de Sodome dans les plus infâmes excès? L'Esprit Saint nous l'apprend, Ézéchiel 16, 49. Voici quel a été le grand crime de Sodome, ça a été l'oisiveté à laquelle elle s'abandonna, telle fut la cause de toutes ses iniquités. Marie montra, en toute rencontre, une modestie accomplie. On ne vit rien en elle qui ne fût réglé par la décence et la pudeur virginale. Saint Ambroise, ibidem, modestie dans ses paroles, modestie dans ses actions, modestie dans ses gestes, dans sa démarche, dans son ton de voix. On reconnaît à son vestibule si une maison est bien tenue, continue Saint Ambroise, la composition du corps indique celle du cœur. Celui qui accorde facilement à ses sens tout ce qu'il convoite, bien que licitement, trouvera bientôt qu'il leur a accordé ce qui était défendu. C'est un axiome de Saint Augustin, dont la vérité n'est que trop bien démontrée par une malheureuse expérience. Voir de l'utilité du jeûne chapitre 5 numéro 6. Aussi Marie ne s'abstenait pas seulement de ce qui laissait voir quelque ombre de mal, mais même de ce qui pouvait procurer à ses sens une satisfaction honnête et permise. Elle en agit de la sorte, afin de tenir toujours son cœur fermé à toute suggestion impure. Mais qu'était-ce que Marie? N'avait-elle pas éteint en elle la concupiscence jusque dans sa source? Oui, sans doute, et néanmoins elle use de tant de précautions, et nous qui sommes remplis de mauvaises habitudes, obsédés par de coupables désirs, nous irons nous exposer librement à toute espèce de péril, sans crainte de tomber. Quelle est donc notre folie? Ouvrons une bonne fois les yeux sur les dangers que nous courons, si nous ne voulons être un jour victimes de notre faiblesse et de notre excessive fragilité. Voici le grand modèle que Dieu propose à notre imitation. Si nous voulons persévérer dans la pureté, je continue de citer les paroles de saint Ambroise. La vie de Marie fut telle qu'elle peut servir à chacun de miroir accompli de toutes les vertus. Si donc l'auteur ne nous déplaît pas, profitons de ses exemples. Si nous goûtons ce modèle, ne refusons pas de l'imiter. Si nous aimons de participer à la récompense incorruptible dont elle jouit dans le ciel, prenons à tâche de suivre les traces qu'elle nous a laissées sur la terre. Ô Vierge des Vierges, Marie, que votre pureté est éclatante, que la récompense que vous en recevez maintenant est riche et abondante. Ah, je vous vois, semblable à une reine, marchez dans le ciel à la tête d'une troupe innombrable de vierges, qui suivent l'agneau partout où il va, comme leur maîtresse, vous leur apprenez à tous ce cantique nouveau, qu'il n'est permis à nul autre de chanter. Aurais-je le bonheur d'entrer dans cette troupe choisie, de faire partie de ceux qui marchent à votre suite? Je l'espère, ô Marie, je l'espère. Mais à condition que vous me prêterez ici-bas une main secourable, que vous me soutiendrez contre les innombrables attaques que j'ai à essuyer sans cesse. Ô Mère très pure, vous êtes pure, et vous aimez ceux qui sont purs, si donc vous voulez m'aimer, rendez-moi pur autant que le comporte le limon dont j'ai été formé. C'est à vous, c'est à votre garde que j'abandonne de nouveau mon cœur, bien plus que mon corps, c'est à vous à le présenter à votre divin fils, et je suivrai ma reine, au moins de loin, pour chanter avec elle des hymnes à la louange du Dieu qui l'a comblée de tant de faveurs, et m'a départi tant de grâces par ses mains. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.